Chapitre 4. Le tigre. Il ne tarda pas à rencontrer un torrent profondément encaissé, dont l'eau, tombant en cascade de 10 mètres, courait en bouillonnant, alimentait les ruisseaux de la plaine. Il y but avec délice et se choisit un refuge sur l'un de ses bords, car la nuit approchait et la prudence lui commandait de ne marcher que le jour. Grimpant jusqu'à une plateforme tapissée de mousse qui dominait le torrent, où il pensa qu'il serait à l'abri des visites des tigres, des léopards et autres troubles faits à quatre pattes ou rampants, il s'y accommoda de son mieux. Les émotions, les fatigues de la journée l'avaient brisé. Il ne tarda pas à fermer les yeux, bercé par la voix du torrent, et en conjurant le ciel de lui envoyer le plus tôt possible le Seigneur éléphant blanc, afin qu'il pût retourner à Bangkok pour y épouser Ma, l'étoile de la cour, les yeux de la nuit, la lumière de son âme. Quand il se réveilla, après un long sommeil, une trentaine d'éléphants se baignaient et jouaient dans un bassin que le torrent formait à 200 mètres de sa chute avant de se répandre dans la vallée. Les uns nageaient, les autres frappaient la surface du bassin avec un de leurs pieds de devant, d'autres s'amusaient à aspirer de l'eau avec leur trompe et à la rejeter soit en l'air, soit à droite ou à gauche. Trois petits, surveillés par leur mère, couraient étourdiment en tous sens. Toute la bande était d'une gaieté folle. Tungouk se frotta les yeux et eut une émotion qui lui fit affluer le sang au visage. Un rayon du soleil levant, glissant sur un des pachydermes, dont la peau était plus claire que celle de ses congénères, donnait à ce moment, à ce pachyderme, des apparences d'éléphant blanc. Hélas, ce n'était qu'une illusion, un effet de réflexion. L'Indien constata promptement son erreur en se rappelant que les éléphants blancs vont ordinairement seuls et sans se montrer, suivis d'un œil attentif les ébats de la bande. Lorsque, las du bain, celle-ci rentra sous bois, il se promit de marcher sur ses traces. Dans l'Inde, ainsi qu'en Afrique, les éléphants aiment la société, la vie en commun, et vont par famille ou par troupeaux plus ou moins nombreux. Quand, pour une raison quelconque, un individu a quitté sa compagnie ou en a été expulsé, les Indiens appellent cet individu Gunda ou Rogue. On peut être certain qu'il tournera autour, la suivra de loin, ira ramasser les miettes de sa table après son départ, boire et se baigner à son abreuvoir. Le moyen le plus sûr pour chasser le Gunda, c'est de filer de grandes familles d'éléphants, car, nous le répétons, jamais ils ne perdent de vue le troupeau auquel il a appartenu. Or, l'éléphant blanc est une sorte de Gunda, avec la sainteté en plus, et Tungug pensa qu'il arriverait moins lentement à en découvrir un s'il suivait à la piste une famille d'éléphants bruns. L'enfant laisse des traces faciles à reconnaître. L'empreinte de ses pas, sa fiente, le bruit des branches partout où il passe, constituent autant d'indices révélateurs auxquels un œil exercé ne se trompe point. Persuadé qu'il trouverait ces indices, Tungug ne se pressa pas de se remettre en route. Il prit un bain dans l'eau froide du torrent, avant que le soleil ne devînt brûlant, se sécha à l'air, se rhabilla, et s'asseyant sur l'herbe, mangea le restant de son filet de singe grillé. Cela fait, plein d'espoir et tout ragaillardi, il entra dans le sentier ouvert par les éléphants. Le pays de Siam, qui offre à l'observateur européen tant de côtés curieux, splendides, a aussi ses côtés désagréables. Les insectes, par exemple, y sont, dans diverses contrées, de véritables fléaux. Après les fourmis, les moustiques, les mouches, il faut compter avec les centipèdes, les scorpions, les sangsues, qui, non contentes de pulluler dans les marais, accaparent encore les forêts. Qu'ils leur prennent fantaisie de quitter leurs ruisseaux, leurs étangs, d'aller courir après tantaine, et aussitôt elles se répandent dans les bois voisins. Alors, gare à qui passe à leur portée, elle s'attache à lui et lui tire si bien le sang qu'elle parviendrait à le lui pomper jusqu'à la dernière goutte s'il ne s'apercevait de leur présence et ne s'en débarrassait vite. Tungug eut à se défendre vers le milieu de la journée contre cet ennemi d'un genre particulier qui lui tint obstinément tête et dont il ne se délivra qu'à l'aide d'efforts persévérants et en pressant le pas. Quand il s'arrêta dans l'après-midi au bord d'une rivière qui lui barrait la route, il avait les jambes en sang. Les éléphants aiment beaucoup les fruits. Aussi dépouillent-ils les arbres fruitiers le long de leur chemin. Tungug, qui s'était appliqué à suivre les traces de la bande qu'il avait vue le matin, ne trouva donc pas de quoi faire grande chair. Il s'en consola, persuadé que la Providence, dont il avait eu la protection jusque-là, ne l'abandonnerait pas. Pourtant, le soir, lorsqu'il s'apprêta à se choisir un asile pour la nuit, il éprouva un atroce besoin de manger qui tenait en partie à la saignée abondante que les sangsues lui avaient faite. Il grimpa sur une colline dont la base plongeait dans un marécage et que dominait une montagne rocheuse. Des broussailles, grillées par le soleil, y poussaient sur un sol pierreux. Il résolut de faire là son lit en s'entourant d'une enceinte de feu, car il avait entendu des rugissements de tigres aux alentours. En quelques minutes, il eut abattu avec sa hache un énorme tas de tiges sèches qu'il augmenta jusqu'à ce que les forces lui manquassent. Alors, il disposa en cercle sa provision de combustible, en ayant soin de garder au milieu de ce cercle, dont le diamètre n'était guère moindre de 8 mètres, assez de fagots pour alimenter le feu pendant la nuit. Une seule chose lui manquait, à défaut d'un bol de riz, un morceau de venaison. Ah, si quelques troupes de singes, non des cynocéphales, diable, eût passé à sa portée! Avec quel entrain il aurait essayé contre elle la puissance de son revolver! Car il était cette fois sur un terrain découvert et n'avait pas à craindre d'irriter les génies des bois en brûlant des cartouches. Il réfléchissait à cela en soupirant et en préparant son lit au centre du cercle de branchage, qu'il n'allait pas tarder à allumer quand un bruit semblable à celui d'un troupeau de chèvres ou de moutons en course attira son attention du côté de la montagne qui aboutissait en pente douce sur le plateau de la colline où il organisait son campement. C'était une famille de chevrotins, fuyant sans doute devant quelques léopards ou quelques tigres. Affolée, elle courait droit vers l'Indien qu'elle ne voyait pas. « Voilà mon souper !» s'écria joyeusement ce dernier en armant son revolver. Et presque au même moment, plusieurs détonations se répercutèrent par la montagne. Un chevrotin tomba, les jambes en l'air, et les autres fauves, bondissant, épouvantés, disparurent avec la rapidité de l'éclair. Tungug s'élança sur son gibier, le prit par un pied, et le traîna dans l'intérieur du cercle de broussailles qu'il venait de former. Tirant aussitôt son couteau de chasse, il dépouilla l'animal pour le boucaner et en manger une tranche. Le chevrotin est un ruminant de la taille du chevreuil, au poil serré, crépu, d'un roux brun, dont la chair n'est pas à dédaigner, surtout quand on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent et qui porte au ventre, au-dessous de l'ombilic, une poche arrondie, de la grosseur d'un œuf, contenant du musc, environ 60 grammes, qu'on recherche en Chine, aux Indes, équivaut jusqu'à 2 francs le gramme. Tungug enleva cette poche pour la brûler en l'honneur du dieu à la protection duquel il devait ce précieux approvisionnement, et dès que le chevrotin fut écorché, vidé, paré, il alluma du feu pour le faire cuire. La nuit achevait de tomber, le ciel s'étoilait, une légère brise soufflait sur la colline. Tungug fit flamber tout autour de lui son cercle de bois mort. L'heure de se garantir contre les félins étant sonnée, et dès que la flamme pétilla, choisissant l'endroit le plus propice du feu, il mit à rôtir, à la chasseur, le ruminant entier. Pendant que celui-ci cuisait dans les charbons et la cendre, il disposa, à côté, un foyer sacré, y déposa la poche de musc, s'agenouilla devant, et tout en retournant son rôti, offrit pieusement un sacrifice à Bouddha. Il en était là, quand en levant les yeux, il découvrit, en dehors du cercle de feu, à une cinquantaine de pas sur le plateau, un tigre royal de grande taille, qui, assis sur son derrière, le regardait en se léchant les barbes. « Je m'y attendais !» frémit-il en pâlissant et en redoublant ses prières. Le tigre demeura d'abord immobile, puis il témoigna de l'impatience, gronda et s'approcha du feu. Évidemment, il estimait que le rôti était assez rissolé et demandait qu'on le servît. Tungug ramassa la peau, la tête, les abats du chevrotin et les jeta par-dessus la fournaise. Le félin se précipita sur cette pitance et l'emporta, en rugissant de plaisir, à sa place précédente où il la dévora. Tungug attisa partout le feu, de crainte que son terrible convive ne sautât jusqu'à lui si la moindre solution de continuité se produisait dans son enceinte protectrice. Aussitôt qu'il lui avalait la dépouille du chevrotin, le tigre revint à la charge, en ayant l'air de dire « Encore !»« Assez !» lui signifia l'Indien, en cherchant à l'effrayer avec des branches enflammées qu'il lui lança. Le tigre montra ses crocs sanglants, se recula d'une longueur et persista à regarder le rôti avec convoitise. Celui-ci ne tarda pas à être mangeable. Alors son propriétaire le retira de la cendre, le déposa sur l'herbe et en coupa un morceau. À cette vue, le tigre, fronçant le nez, fit mine de sauter par-dessus le cercle embrasé. Effrayé, l'Indien se releva, brandit son revolver et le déchargea. Mais les balles dévièrent. Une d'elles seulement effleura le bout de la queue du félin, qui obliqua la tête, croyant peut-être que quelqu'un lui piquait l'appendice. Dungoug rechargea son arme. Impatienté, le tigre tourna autour du cercle, dans l'intention de le franchir et en grognant sourdement, comme un gaillard qui se dit « Si je parviens à entrer dans ce rond, ce n'est pas d'abord au chevrotin que je toucherai. » L'Indien ranima son feu et jeta des brassées de broussailles. « Soit, sembla grommeler le tigre, j'attendrai que tu aies consommé la provision de combustible. » Cette provision, plus volumineuse que résistante, diminuait malheureusement dans des proportions qui ne tardèrent pas à inspirer à l'Indien de poignantes appréhensions. Le félin se coucha, résolu à avoir le dernier mot, c'est-à-dire le chevrotin et le rôtisseur. Une heure s'écoula, puis une autre, et encore une autre, sans que la situation se modifiât. Tungoug ménageait son bois. Cependant, il fallait qu'il entretienne partout également le feu sous peine de voir tout à coup bondir sur lui son garde du corps. Aussi, en dépit de l'économie calculée avec laquelle il agissait, vers 3 heures du matin, ne lui resta-t-il plus que quelques broutilles. Il les ramassa avec soin, les sema, en soupirant dans le foyer, et invoqua Bouddha. Un quart d'heure après, le feu baissant et menaçant de s'éteindre sur plusieurs points du cercle, le tigre se mit sur ses 4 pattes et avança son museau en faisant claquer ses mâchoires. Secoué par cette effroyable démonstration, l'Indien s'arma de son couteau de chasse, de son revolver, qu'il avait soigneusement rechargé, et la poitrine oppressée, cherchant machinalement des yeux une voie de salut, se prépara à vendre chèrement sa vie. Ses espérances, ses rêves de gloire, de fortune, d'amour, repassèrent dans sa tête comme des chimères lointaines, et de larmes roulèrent sur ses joues cuivrées. Mais ce ne fut qu'un éclair de faiblesse. En face du félin, qui tournait avec agitation autour de lui, il retrouva tout son courage et se jura de mourir en brave pour Ma et pour le seigneur éléphant blanc s'il fallait mourir. Il allait commencer l'attaque avec son revolver, car les secondes lui étaient comptées, quand son adversaire s'arrêta, tendit l'oreille, abandonna le cercle de feu où des charbons seuls, à demi consumés, brûlaient encore, et rampa, ainsi qu'un chat qui guette une souris, du côté de la montagne où avaient débouché l'abeille, les chevrotins. La place était bonne pour les traqueurs. Tungoug le pensa involontairement en voyant arriver 2 troupeaux de 15 à 16 individus de capricornes à brisoire. Ces gracieux animaux, qui avec plus de finesse et de légèreté ressemblent aux daims, vont par petits groupes que conduit un vieux mâle. 2 groupes s'étaient rencontrés sur le versant de la montagne. À propos de quelques touffes d'herbe, de quelques plantes savoureuses, ils avaient engagé une lutte acharnée, et ils avançaient en se battant, oubliant de leur prudence habituelle, lorsque le tigre vint les mettre d'accord. Un saut d'une vivacité et d'une force prodigieuse transporta le carnassier devant eux. D'un coup de patte, d'un coup de croc, les 2 vieux mâles qui s'étaient pris par leurs cornes furent abattus. Le reste se dispersa instantanément. En présence de cette copieuse aubaine, le tigre, dédaignant l'Indien et son quartier de venaison, saisit un des capricornes par le cou et l'emporta dans les jungles. Tungoug n'attendit pas qu'il revînt chercher le second ruminant. Enfermant immédiatement dans son sac son morceau de rôti, ramassant son bâton et sa hache, il laissa son feu mourant et s'enfuit en remerciant Bouddha et les saints du paradis de l'avoir tiré d'affaire une fois de plus. En réalité, cependant, il devait la vie aux capricornes à bézoir qui, à l'instar des hommes, s'étaient disputés et battus au bénéfice de leurs pires ennemis. L'aube pointait. Des centaines de pélicans, de cormorans cinglaient au-dessus des marais. Des milliers d'oiseaux de toutes les grosseurs et de toutes les nuances quittaient leurs nids, leurs perchoirs, et partaient dans diverses directions pour chercher leur nourriture. Les montagnes, les vallées, les plaines, les bois reprenaient leur animation sous les caresses de la brise matinale et des premiers rayons du soleil. Tungoug marcha par mont et par beau, la face tournée vers l'Orient, sa direction, et ne s'arrêta qu'au milieu du jour, par une chaleur de 40 degrés, au bord d'une jolie rivière bordée de bananiers, de buissons d'arriquiers, de cocotiers, qui lui offrait la plus agréable halte qu'il pût désirer. Après un bain qui le rafraîchit et le délassa, il s'approvisionna de bananes, de noix de coco, tira son chevrotin rôti de son sac et fit un repas royal qu'il arrosa de l'eau limpide de la rivière. Quand il eut le ventre plein, le sommeil le tourmentant, il choisit un arbre sur lequel il put grimper et se faire un lit à l'abri des animaux féroces, en découvrit un près de l'eau et s'installa dans ses ramures avec son bagage et s'y endormit.